Bonjour à tous et puis merci de votre invitation. Merci aussi à ceux qui organisent ces journées doctorales. C'est une belle initiative et vraiment, c'est aussi du travail. Donc, merci de le mener comme ça avec efficacité et d'animer cet ensemble que vous composez d'une quarantaine de doctorants. En tout cas, c'est ce qu'on a écrit dans les dossiers d'HTEMOS, donc j'espère que c'est vrai. Ça fait quand même pas mal pour un doctorat qui a été créé il y a 10 ans, celui vraiment qui concerne l'architecture, mais je sais que vous êtes aussi inscrit dans des doctorats d'autres filières, et je pense que c'est aussi la richesse de la communauté que vous composez. Et puis il y a peut-être aussi des doctorants qui ne sont pas de l'école d'architecture, parce que je sais que c'est ouvert aussi aux doctorants de l'école doctorale à laquelle nous appartenons. C'est vrai que vous êtes aussi l'avenir de nos écoles, et puis d'autres, j'espère. Et c'est important pour cette école en tout cas, et pour les autres, que vous soyez présents, et que vous meniez à bout et dans de bonnes conditions les travaux que vous avez engagés. Voilà, c'est vrai que ce matin, je ne peux rester que ce matin, je m'excuse, et puis, mais en même temps, ça me va assez bien, puisque je suis ravie d'entendre la présentation de Caterina Franco, ça me rappelle des souvenirs, même si ce n'est pas le même territoire. Et puis également, pour cette intervention débat sur la thèse et après, voilà, c'est vrai que après la thèse, moi j'ai eu un petit baby boom sans doute comme beaucoup d'entre vous, mais j'ai eu aussi, je trouve, l'occasion d'acquérir beaucoup de compétences transverses. Et même si aujourd'hui je ne fais plus de recherche, je pense que cette expérience professionnelle de la thèse est une vraie expérience professionnelle, et au-delà des sujets que vous explorez, donc vous allez devenir spécialiste, je n'en doute pas. Il y a beaucoup de compétences que vous allez acquérir et qui sont bancables dans d'autres carrières. Voilà. Donc, ravie de participer aussi à ce débat. Je crois que j'ai terminé mon intervention et puis c'est avec plaisir que j'écouterai la première doctorante.